OK. Fait faut... Je ne sais pas si vous l'avez vu sur certains pornographies, mais il y en a parfois qui vont utiliser la fleur de lys pour dire que c'est québécois pour comme profiter du de l'engouement sans utiliser notre logo et nécessairement devenir membre chez nous. Ou comme des fois, les Lay's ou Pepsi ont inventé une espèce de logo où c'est juste une espèce de crochet vert qui dit « le bon choix ». Ça nous donne l'impression, à cause du graphisme, que c'est environnemental ou je sais pas trop quoi, mais dans le fond, ça veut rien dire. Fait que faut rester vigilant. Le logo d'Aliments du Québec est très facilement reconnaissable. D'ailleurs, pour nos auditeurs, vous le voyez passer sur les autobus à Québec et à la télévision, si je me trompe pas. Donc, c'est un logo... qui dit tout, en fait, là. Vous pouvez vous baser là-dessus. Marie Baudry... Oui, mais juste pour vérifier, là, on a peut-être parlé, mais l'information m'a échappé. C'est bien le logo qui est bleu et jaune, je pense. C'est possible? Oui, c'est exactement ça, oui. Ouais, alors, très bien. Ben, écoutez, Mme Baudry, merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir donné un peu de temps à notre émission. Ça me fait plaisir. À nous aussi. Alors voilà, ben écoutez, on est avec Mme Baudry, on revoit à la prochaine, on continue votre travail au niveau d'Aliments Québec, à une prochaine, et nous à la Fausse Patte, on va passer bientôt à une pause publicitaire et un bloc musical, et on va revenir aussi un peu plus tard avec une initiative très locale qui a été prise par certaines personnes, qui s'appelle la Coopérative des Grands Rangs, qui a pied à terre au coin de la rue Caron et de la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch, c'est leur boutique et ça regroupe toutes sortes de producteurs on a parlé de microbrasserie tout à l'heure, il y a plein de gens là-dedans de la région de Québec qui sont dans cette organisation. On va recevoir le président de son conseil d'administration, M. Éric Proulx, et puis ben voilà, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL à la Fausse Patte en compagnie de Catherine Dorion et Christian Saint-Pierre. Bloc pub et tout de suite après, bloc musical. On a parlé de la Chine qui envahit notre marché alimentaire. Ça va être Xavier Caffeine et Pékin Love et Fred Fortin, Dollarama. Mais pour l'instant, pause pub. À la fête de la solidarité. Une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités. Zik Nonbombs, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja and I. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou. Entrée 10$. Informez-vous sur ssgpq.org 418-529-4407. La fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative La Mauve, la Ville de Québec et CKRL. En décembre, tout un programme à l'Ampli de Québec. Côté formation, stratégie et gestion d'un groupe underground avec François Deschamps et la formation française Tagada Jones. Composé et mixé avec Fruity Loops, avec Millimétrique. Côté festif, l'Ampli s'emballe avec les apéros REC dans le cadre de l'événement Relève en Capitale. En rafale, le foyer électrique le 1er décembre, le champion de France de Human Beatbox, Beastie, le 3. Lancement d'album de Mélogram, le 7. Et on slame avec Ivy pour l'émission L'Ampli rencontre à CKRL, le 8. Au final, une table ronde sur l'art de s'exporter, le 9 décembre. Les apéros REC à l'Ampli, c'est le rendez-vous pour les artistes festivaliers et supporteurs de Relève en Capitale. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Du 24 au 27 décembre au Studio P, Le Chemin qui marche présente Les Métamorphoses d'Adalbert. Spectacle d'objets, de marionnettes et d'ombres pour toute la famille. Entourant les représentations, Espace Art Nature vous invite à assister à des rencontres riches de sens. Causeries sur l'inattendu, table ronde sur la beauté, atelier sur l'art de raconter une histoire. Pour tout savoir, lestudiop.com. Le Studio P, art et littérature en scène. Je vais te rendre encore confiance aux hommes du peuple. Que les cinéphiles se réjouissent, le Ciné-Club Spirafilm est de retour pour une deuxième saison. Dimanche le 27 novembre à 15h, le Ciné-Club présente en première à Québec Rencontre. Un documentaire saisissant de Mélanie Carrier et Olivier Higgins en présence des réalisateurs. Le projet Rencontre, c'est tout d'abord l'idée de refaire une ancienne voix autochtone. Lundi 28 à 19h, on vous offre le classique du cinéma direct québécois Pour la suite du monde, réalisé par Michel Brault et Pierre Perrault. Une occasion rare à vivre en présence du mythique réalisateur Michel Brault. Ben, j'ai dit comme ça, moi je pourrais pas danser, me v'là encore à manger pour tout lutter.

voyageurs. Jamais su son vrai nom, je me disais à quoi tu voudrais savoir. Avec des boutons, des gros tétons, puis les d'armoires. On l'appelait petite charmue, c'était le nom que lui avait donné ses frères. Il était dans même école, je sais pas combien qu'elle fait n'avoir. Pas tout débat à ce qu'il faut croire. Elle est minutieuse et à son affaire. Elle prend soin de la vaisselle de verre fabriquée par ses amis les Chinois dans la grande famille de Dolorama. Avec tout ce qu'il faut pour rien. Ça sentait la grosse misère. Elle était dans son petit coin. C'était encore trop grand, faut croire. Avec des boutons, des gros tontons, puis les dents noires. A décidé de flasher l'école. A commencé à peine le secondaire. Paraît qu'elle était enceinte. Les os, c'était digne des histoires. Tout quoi paraît mieux. C'est bête à dire, mais je suis content pour elle. Elle aurait pu finir dans une poubelle, tripotée par des salauds et des rats, comme plusieurs de ses amis les Chinois. J'imagine que c'est très valorisant, veiller à satisfaire son client. Ainsi tu quand ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, ni hao, ça va. Fortin Dolorama, et tout de suite avant, nous avions Xavier Caféine, Pékin Love. Vous êtes à l'écoute, pardon, de La Fausse Patte, édition du 23 novembre 2011. Donc, depuis le début de l'émission, nous avons d'abord fait une revue de l'actualité éditoriale. On a parlé de toutes sortes de sujets, accompagné de Catherine. On a parlé évidemment de la CAQ qui a présenté ses candidats potentiels dans un article du Journal de Québec, de Le Soleil plutôt. Et dans Le Devoir, on a parlé de cet article également sur le plan Nord qui est décrié, entre autres, par Jacques Parizeau et des chercheurs. En fait, il y a des économistes en congrès, voilà, au HEC, congrès qui porte sur l'industrie minière, qui dénonce fortement le plan Nord tel que présenté par Jean Charest, parce qu'il est basé sur une façon de faire et des idéaux et des lois qui sont caduques. Alors voilà, mesdames et messieurs, ça brasse beaucoup de ce côté-là. Et on y a en entrevue, ma foi, son nom m'échappe, Catherine, notre madame... Marie Baudry, Marie Baudry, qui est avec nous, voilà. Directrice générale d'Aliments du Québec. L'Aliment Québec, qui voilà, nous a parlé de cette initiative, parce que les gens sont de plus en plus soucieux de la provenance des aliments qu'ils consomment. La forte majorité des Québécois veut acheter québécois, veut savoir ce qu'est québécois pour pouvoir acheter québécois. C'est un souci partagé par la forte majorité des Québécois. Et voilà. Et il y a plus tard dans l'émission, nous aurons le président de la coopérative de la des grands rangs, voilà, qui un peu dans cette optique veut vraiment encourager l'achat local. Donc c'est monsieur Éric Proulx, le président du CA, qui va venir nous jaser ça. Mais avant ça, Catherine, il y a une nouvelle qui a retenu ton attention au niveau du fait français. Oui, ben oui. En fait, on recommence depuis quelques mois, peut-être même depuis une ou deux années, à reparler plus largement du recul du français à Montréal. Bon, des groupes s'activent, se sont toujours activés, n'ont jamais arrêté de s'activer pour la défense du français, mais il y a quand même un moment où cette activité-là dépasse les groupes citoyens, les groupes activistes pour arriver un peu dans les médias plus largement et qu'on en parle dans les parties entre amis et en famille. Et le recul du français à Montréal recommence à faire partie de ces discours-là partagés par la plupart du monde. Et j'ai trouvé ça courageux. Hier, Rock et Belles Oreilles recevait la médaille de l'Assemblée nationale pour leur travail et leur importance dans le Québec. Donc, et Guy Lepage, qui souvent à cause de sa position à tout le monde en parle. Moi, j'ai l'impression qu'il dit plus grand-chose, qu'on a de la misère à savoir ce qu'il pense. Enfin, on sait ce qu'il pense, mais il s'empêche de le dire parce qu'il y a une position d'importance. C'est presque comme s'il était un politicien, puis comme on disait tout à l'heure, il fallait qu'il fasse attention à ce qu'il disait. Ce qui fait perdre quelqu'un qui avait... Ce qui nous fait un peu perdre quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'idées assez affirmées, assez fortes, et qui faisait partie du débat public autrefois, et qui, à cause de sa position, à tout le monde en parle, s'est un peu retiré du débat public. Mais là, Guy Lepage a décidé de prendre la parole par rapport au recul du français à Montréal. Il a dit, en recevant son prix, il dit... il dit, moi, je veux qu'on parle de ça. Tu rentres dans une boutique de souliers, puis le vendeur ou la vendeuse t'aborde en anglais. Moi, je dis « commence en français ». Si je réponds en anglais parce que je suis un touriste ou un unilingue anglophone, c'est une chose, mais si boire, respect. Et il répète vraiment « respect ». Il dit « j'ai rien contre l'anglais, mais Montréal est une ville bilingue ». Sauf que Montréal est une ville francophone. C'est la deuxième ville francophone au monde. Montréal est une ville francophone dans une province francophone. Et ça devrait être, il dit, ça devrait être une obligation pour tout le monde de parler la même langue commune. Si on n'a pas de langue commune qu'on peut tous parler, ben, on se retrouve dans une société atomisée. Puis comme c'est pas ça le but d'une société ni d'une ville, l'idée c'est qu'il y a une certaine cohésion, qu'on puisse travailler ensemble. Je suis d'accord avec la prise d'opposition de Guy Lepage par rapport à ça, puis il dit même, mais là, lui, il va loin, puis c'est tant mieux, parce que, comme je disais, c'est rare qu'il le fait. Il dit, quand je me fais aborder en anglais dans la rue, je me pose pas de questions, je me dis, c'est un touriste, et je lui réponds en anglais. Mais dans un commerce, je sors, je quitte instantanément, et je fais une plainte à l'Office québécois de la langue française, tout le temps, tout le temps. Fait que on pense que c'est juste les radicaux frustrés, pas contents, méchants qui font des plaintes à l'Office de la langue française, mais il y a des gens très respectés dans le Québec en entier qui le font aussi. Et je pense que Guy Lepage, en profitant de cette tribune-là pour dire ça, fait un espèce d'appel aux Québécois, aux Montréalais en général. C'est un vrai danger, le recul de la langue française à Montréal. Montréal pourrait devenir une ville totalement anglophone. En pas beaucoup de temps. Fait que... C'est fascinant un peu ce dossier-là, Catherine, parce que la semaine dernière, pendant ton absence, j'ai reçu 6 Bordelais, voilà, et on a parlé beaucoup des relations Québec-France. Et je pense que le segment le plus intéressant de l'émission, c'était celui sur la langue. Parce que la journée même, il y a une semaine exactement, Régis Labeaume avait fait une sortie lors de son voyage à Paris et décriait l'anglicisation de la France. Bon, j'ai parlé de cette dépêche-là à mes collègues français, mes amis, et eux étaient un peu abasourdis de voir tout ça. Et là, au cours de la discussion, moi, j'aurais dit que là-bas, je me choquais souvent lorsque j'y allais d'entendre des mots anglophones utilisés, comme par exemple, ici, on a traduit des... Eux, ils parlent de la Wi-Fi, ici, on parle de l'Internet sans fil, ils parlent d'un smartphone, on parle d'un téléphone intelligent, un drive-in, ici, c'est un service au volant. Et ça, c'est des termes, en fait, qui sont traduits et qui sont mis de l'avant par la loi 101. Beaucoup, à cause de... Par l'Office de la langue française. Par l'Office de la langue française. Et en France, mais c'est l'Académie française qui doit gérer ça. Et malheureusement, c'est pas, il n'y a pas autant de rigueur au niveau de la francisation des nouveaux termes. Et les termes anglophones viennent beaucoup, justement, des nouvelles technologies, de choses qui s'utilisaient pas depuis 10 ans. Et au niveau de la France, eux, c'est tellement évident de parler français qu'ils se sentent pas menacés, évidemment. Et utiliser les termes anglophones comme ça, c'est un peu à la mode. C'est un peu une forme c'est de... C'est cool. C'est cool, c'est un peu, justement. C'est cool, c'est chouette. C'est une forme de snobisme, en en fait qui fait en sorte qu'on utilise les mots anglophones. Et ce qui était décrit par Régis Labeaume, c'était le nom des le fameux nom des boutiques, des gift shops, des choses comme ça. Et ça, c'est dans le Paris touristique, comme disait mon ami Jérémy. Et ça, c'est destiné aux touristes. Et moi, je vais pas là-dedans. Mes parents parlent pas de, ses parents lui ne parlent pas de gift shop non plus. Et sa génération ne parle pas de ce genre de Mais ils utilisent quand même les mots anglais dont tu parlais là. Exactement, pour les nouvelles technologies, les nouveaux mots. Tout ce qui est sorti depuis 10 ans. Et là, évidemment, ils reconnaissent qu'il y a un effort supplémentaire qui est fait au Québec. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que eux, le fait qu'on parle anglais au Québec, ils trouvent que c'est une énorme chance parce qu'eux, ils ont un complexe par rapport à ça. Et ils sont dans une communauté, en fait, sont proches de toutes les cultures. Ils apprennent l'allemand, l'espagnol. À Bordeaux, on était à 300 km de l'Espagne, du Pays Basque. Donc, eux, ils nous envient là-dessus au niveau de parler deux langues. Et donc, ça met en perspective un peu notre situation. Ce que je trouve intéressant avec la sortie de Guillaume Lepage, c'est qu'on décrit pas le fait qu'on parle anglais à Montréal. C'est que l'anglais prend le dessus sur le français, ouais, tandis ça. Que au contraire, ça devrait être le français qui prédomine. Oui, puis surtout que parler deux langues, c'est toujours un avantage. Parler trois langues, c'est un encore meilleur avantage, tout ça. Mais quand il s'agit de la position d'une langue dans une société, c'est qu'ils s'opposent pas. C'est-à-dire, parler plus anglais, que des francophones parlent plus anglais, veut pas dire que le français recule. Mais comme tu dis, c'est quand la position de l'anglais dans le milieu public prend la place du français, parce que dans une seule tête, il peut y avoir autant de langues que la tête veut en apprendre. Là. Il peut y avoir 40 langues, il y en a pas une qui pousse l'autre, il y a autant de place que la personne décide d'apprendre de langue. Mais dans un commerce, dans un endroit public, dans là où se passent les communications dans une société, ben oui, il y a des langues qui prennent plus de place que d'autres. Puis si dans un commerce, on te parle en anglais, c'est parce qu'on te parle pas en français. Fait que la langue, c'est là que se situe le combat. C'est pas contre l'anglais, c'est contre la prédominance de l'anglais, c'est contre le fait que l'anglais veut avaler le français dans les relations de la vie courante. Puis que, à un moment donné, ça sera plus possible de pas être bilingue, ça sera plus un choix individuel, parce qu'on pourra pas fonctionner à Montréal sans parler anglais. La loi 101, Catherine, faut rappeler, faut remettre les gens en perspective aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre avec les années. C'est une loi du gouvernement de René Lévesque, de son premier gouvernement, élu en 76, juste avant le référendum. Et c'est surtout centré sur l'affichage en français. C'est-à-dire que le souci à cette époque-là, c'était que le Québécois de tous les jours puisse justement se retrouver dans ces rues, lui qui parle français, et de voir qu'on était annoncé en français, en fait. C'était surtout ça. Et aussi sûr que les enfants d'immigrants aillent à l'école en français. Oui, et il y avait pas aussi un truc de la langue du travail n'était pas inclus là-dedans également dans la loi. Oui, je sais pas. Ça, faudrait faire nos devoirs là-dessus, ça devient un peu plus complexe. Ouais. Mais voilà, c'était surtout. Et là, il y a comme un recul parce que au départ, quand Staples est venu s'installer au Québec, c'est devenu Bureau en gros. Mm. Mais là, Second Cup n'est pas devenu une deuxième tasse. Non. On se comprend. Ouais. Starbucks n'est pas devenu Little Burgundy ou il y en a plein. À Montréal, c'est plus aucune compagnie fait l'effort de changer son nom. Voilà, mais pourtant, la loi est toujours là. Oui. C'est quoi le problème? C'est qu'elle n'est pas appliquée. Bon. Pourquoi elle n'est pas appliquée, là? C'est une question de volonté politique, là. Ça fait 10 ans qu'on est sous un gouvernement du Parti libéral du Québec, dont les principaux, je pense que c'est 20% de francophones qui votent pour le Parti libéral du Québec. Pourquoi le Parti libéral du Québec défendrait la langue française? Tu sais, le reste, c'est les anglophones, puis c'est les allophones, c'est des gens qui sont vendus au Parti libéral du Québec parce que c'est le seul parti qui va pas les embêter avec le français. Voilà, mesdames et messieurs, c'était cette petite nouvelle qui avait retenu l'attention. Notre arrivée est présentement dans nos studios. Notre invité, pardon, était présentement arrivé. Il est dans nos studios. Donc, on va se faire un petit bloc pub pour l'instant avec un bloc musical et on va revenir tout de suite après avec ce cher monsieur Éric Proulx, qui est président de la coop des Grands Rangs, qui sont pieds à terre présentement coin des rues Caron et Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch. Qui vendent des produits du terroir québécois exclusivement. Exclusivement. Et voilà, c'est en lien avec notre entrevue qu'on a eu tout à l'heure avec Mme Baudry d'Aliments Québec. Et puis, ben, pour accompagner la venue de M. Proulx, ben, j'ai décidé de faire un petit bloc trad et country traditionnel du Québec. C'est notre bon vieux Wally Lamotte qui va nous envoyer mille après mille. Et tout de suite après, ça sera la bottine souriante dans nos vieilles maisons. Le temps des fêtes approche, les décorations de Noël, ben on va s'envoyer une petite chanson traditionnelle de la gang d'Yves Lambert. Mais pour commencer, Wally Lamotte, et tout de suite après un petit bloc pub, ce sera M. Éric Proulx de la coop des Grands Rangs. Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je t'aimais. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai guidé. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je t'ai aimé. Un jour quand mes voyages ont repris fin, et au fond de moi j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin. Dites bonjour à mes parents qui habitent le Saint-Quentin. Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, montres sont habillés. Ils diront, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont fresquillés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs envoûte l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents. Ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir, il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Une fête, tire une bouffée en attendant nos invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. En montant, on est couché. Cinq balles, il faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violons.